Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire Seigneur, je suis là. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. Oui, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et tu peux pousser le cri de joie pour Jésus. Tellement le colo, tout comme ça, ensemble. Tellement le colo. Où tu es à vous chercher, mais il y a eu l'eau, tu n'as pas voulu. Yeah. bonu. Alléluia na Yesu. Oh Yesu azali tata biso tozali bana. Yesu azali tata na biso. Yesu azali tata biso tozali bana. Yesu azali tata na biso. Yema ya solo. Lève ta main, commence à adorer le Seigneur. Là où tu es, commence à élever son nom. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir des situations compliquées de la vie. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème. Mais il dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Oh, il est présent. Il est présent. Tu ne vas pas t'asseoir. Tu ne vas pas demeurer dans ces situations difficiles. Tu marcheras et tu sortiras à cause de l'Éternel. Oui, élève ta voix, commence à le bénir. Tu es digne de toi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de gloire. Tu es digne. Dieu Seigneur, si vous te voyez que ton boulot, papa, bateau bacosa, la te voyez ma bague, vous m'avez là, Seigneur. Merci Jésus, car toi tu es notre Dieu. Merci Jésus, car toi tu es notre Tu es digne de toi. pour le don du Saint-Esprit, pour la présence de Jésus-Christ. Nous t'élèvons et nous te rendons grâce ce soir. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour le Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on entre dans la présence de Dieu dans une église, il faut avoir la culture de la présence de Dieu. Je bouge quand ça bouge. Je chante quand je dois chanter. J'adore quand je dois adorer. Je suis disposé pour qu'à tout moment le Seigneur me visite. Tout ce que je fais dans une église, dans un moment de prière, c'est une prière, c'est une adoration. Mes faits et gestes, mes pensées. Parce que je m'attends à tout moment à une visitation de Dieu. Donc, quand on dit d'acclamer le Seigneur, on acclame le Seigneur. Parce qu'on sait que même pendant que j'acclame, quelque chose peut se passer dans ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout encore? Pour 5 minutes seulement. Comme papa vient de le dire, ayez la culture d'être dans la présence de Dieu, de sentir la présence de Dieu. Avant que la manne tombe, il y avait d'abord la rosée qui précédait. La rosée représentait la présence de Dieu. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Tout en fermant tes yeux. Nous allons chanter Alléluia. Thank you, Jesus. Tu vas chanter ensemble dans 5 minutes. Sois connecté. Tu sais, aujourd'hui, c'est un culte de guérison et de puissance. Commence déjà à te préparer. La guérison, ce n'est pas seulement la maladie. Dieu peut guérir ta vie de finances. Dieu peut guérir ton mariage. Dieu peut guérir tes affaires. Dieu peut guérir tes enfants. Dieu peut guérir tes relations. Vraiment. Alléluia. bénissons ce soir. Seigneur, nous bénissons ta présence. Cher Saint-Esprit, veille être avec nous. Touche-nous, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pas moi, mais que toi tu chantes. Et que toi tu sois. Que toi tu touches. Merci Jésus-Christ, notre Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Nous acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur. Et nous nous mettons. Amen. Il y a une forte onction dans cette salle. Il y a la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Salue-moi celui qui est à côté de toi. Salimia mwenye anakuwa pembeni yako. Dis-lui des paroles de bénédiction. Umpatie maneno ya baraka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La guérison n'est pas seulement la guérison de la maladie. Matunzo inapaka matunzo ya ugonjwa. Dieu aussi peut guérir ton couple. Mungu anaweza hata kuponya jinsi yako. Ipo aussi guérir ta vie de finances. Na tena kurudisha upya maisha yako ya fedha. Ipo aussi guérir tes relations. Anaweza kuponya hata mahusiano yako. Ipo aussi guérir tes enfants. Anaweza kuponya na watoto wako. Il est capable. Anaweza. Amen. Amina. Nous sommes nous lisons les livres des Actes des Apôtres. Tunasoma kitabu kya Tendo la Mitume. Chapitre 2, verset 1er jusqu'au 4e verset. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Na iliweza kujaza nyumba yote walikuwa wenye kuketi. Des langues semblables à des langues de feu. Maluga yenye kufananisha na maluga ya moto. Leur apparir. Iliweza kuonekanikia. Séparer les unes des autres. Kuachanishwa wengine kwa wengine. Et se posèrent sur chacun d'eux. Na iliweza kukala kwa kila mmoja. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Na wote walijazwa kwa Roho Mtakatifu. Et se mirent à parler dans d'autres langues. Na wakaanza kusema lugha nyingine. Selon que le Saint-Esprit leur donner de s'exprimer. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Nous sommes très reconnaissants pour la main de Dieu. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir encore réunis ce soir en ces lieux. Il n'y a que lui qui peut nous réunir en ces lieux. Nous reconnaissons la présence du Père de la maison. Tunatambua uwapo wa baba wa nyumba, notre papa, baba yetu, ainsi que tous les serviteurs de Dieu, Les chantres ainsi que tous les fidèles de l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Nous continuons toujours dans notre thème, sous-thème. Écoutez, la Bible dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Cette maison, c'était dans la chambre haute. Et nous avons dit le mariage du cheval et de la colombe. La Bible dit, nous avons lu, la Bible dit, le cheval est préparé pour le jour de la bataille. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Donc cela veut dire, le cheval doit être préparé pour le jour de la bataille. Mais lorsqu'on le prépare, il doit toujours attendre les cavaliers pour aller dans les combats. Nous voyons Jésus-Christ aussi était un cheval dans la chair qui devait entrer dans la bataille. C'est pourquoi lui aussi devait attendre les cavaliers. C'est pourquoi les jours de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme sous forme de la colombe. Et directement, le cavalier l'a conduit dans les déserts. Les disciples aussi étaient dans la préparation. Parce que Jésus les a préparés pendant 3 ans au travers de la parole de Dieu. Il les a formés par sa parole. La parole de Dieu te transforme. La parole de Dieu te forme. Écoutez, quand tu n'as pas Christ, tu es vide et informe. Ce n'est que la parole de Dieu qui te forme. Ce sont les 2 prophéties d'Ézéchiel. Quand il est descendu dans la vallée des ossements, il a trouvé des os. Il fallait qu'il parle pour la première fois. La première parole, la première prophétie a rassemblé les os, a donné la chair et toutes choses. Là, nous voyons à la création, quand Dieu a créé Adam, il ne pouvait pas faire aucun mouvement. Il a fallu que Dieu souffle dans ses narines pour qu'il soit une âme vivante. La parole te donne la forme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la vie. C'est pourquoi tu dois être l'amoureux de la parole de Dieu, l'amoureux des enseignements. Donc c'est ça même la première formation. La deuxième formation, c'est la prière. Écoutez, dans le christianisme, la plus grande chose qui est difficile, c'est la prière. Est-ce que je mens? Jeûner, prier, ce n'est pas facile. Hein? Mais c'est une formation. C'est un chemin qui ouvre la porte à la Pentecôte dans ta vie. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit quand tout à coup, il y a un vent impétueux qui est entré dans la salle et il y a le feu qui est descendu sur eux. Donc le Saint-Esprit sous forme de feu est descendu sur eux. Donc c'est le cavalier qui saisit maintenant les disciples, les apôtres, pour les amener dans le champ de bataille. C'est pourquoi on a surnommé le livre des Actes les Actes des apôtres. Pourquoi on a surnommé les Actes des apôtres? C'est parce que c'est l'Esprit qui était en eux qui faisait de grandes choses. Les actes que les apôtres faisaient, ce n'était pas par leur force, mais c'est l'Esprit qui agissait en eux. C'est pourquoi on a attribué ce livre, le nom des Actes des Apôtres. Parce qu'ils ont vu les apôtres agir. Mais ils n'agissaient pas par leur force. Mais ils agissaient par la puissance du Saint-Esprit. Amen, Église. Maintenant, la Bible dit le jour de la Pentecôte. La Pentecôte est une fête parmi les sept fêtes de l'Éternel. Écoutez, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné sept fêtes. Et ces sept fêtes-là n'étaient pas seulement des rituels. C'était de grandes révélations. C'était le plan divin qui est allé se révéler sur la personne de Jésus. Parce que le sept fêtes ne représente que Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons les deux sortes de temps. Nous avons le temps des hommes et nous avons le temps de Dieu. Or, le temps des hommes, c'est ce que nous appelons le chronos, qui vient du chrono, qui vient du calendrier humain, qui vient de notre montre. Ça, c'est le temps des hommes. Mais il y a le temps de Dieu qu'on appelle kairos. Le kairos veut dire quoi? C'est le temps que Dieu a fixé dans sa pensée, dans sa volonté, ou depuis l'éternité, pour accomplir les choses sur la terre et dans la vie des gens. C'est pourquoi Job a dit ceci. Job connaissait quand il était dans les problèmes, dans la souffrance. Ses amis sont venus. Ils ont commencé à les condamner. Il a voulu s'expliquer, mais ils n'ont pas écouté. Écoutez, il a dit une chose. Je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Donc, il y a le temps où tu peux passer dans des moments difficiles. Les gens ont la domination sur toi. Mais écoute, le temps de Dieu des hommes arrivera à la fin. Et le temps de Dieu va s'élever. Quand le temps de Dieu s'élève, ton réelle identité sera apparue. Les gens connaîtront qui tu es. Oh, le temps de Dieu, c'est ce que nous appelons le calendrier prophétique. Le sept fêtes de l'Éternel, c'est tout un calendrier prophétique. Et ce calendrier prophétique, donc les sept fêtes étaient divisées en trois parties. Et il y a les trois premières fêtes. Et il y a une fête qu'on appelle la fête de Pentecôte. Et il y a encore les trois fêtes. Le premier groupe, il y a trois fêtes. Le deuxième groupe, une seule fête. Et le troisième groupe, trois fêtes. Dans l'ensemble, c'est sept fêtes. Maintenant, la fête de Pentecôte, elle est seule dans son groupe. Bon, c'est une fête qui est comme un pont qui unit les deux groupes. Donc la marche prophétique commence par la fête de Pâques. Donc la Pâques, c'est ça le début de ce calendrier. Parce que Exode 12, verset 10, dit ceci. Dieu dit aux Israélites en Égypte. Il dit que le mois où ils vont célébrer la fête de Pâques, ça sera le premier mois. Et il dit ceci, ça sera le premier mois de leur année. Donc la marche d'une personne commence par la croix. Lorsque tu reçois Jésus, commence une nouvelle vie. Donc la vie avant la naissance, la nouvelle naissance, c'est une vie qui n'est pas comptée. Donc ta vie commence à être comptée lorsque tu reçois Jésus sur la croix. Et c'est lui qui a été l'agneau qui a été immolé. Jésus qui a été donné comme un sacrifice pour sauver toute l'humanité. Et lorsque tu reçois Jésus, tu accomplis la première fête. Tu dois maintenant aller dans la seconde fête. La seconde fête qui était attachée automatiquement à la fête de la Pâque, c'est la fête de pain sans levain. Or, le levain veut dire quoi? Le levain, c'est l'image du péché. Parce que 1 Corinthiens 5, 7 nous dit quoi? Il nous dit d'ôter le vieux levain parce que nous sommes devenus une nouvelle pâte. Comme notre Christ a été déjà immolé. Donc cela veut dire que quand tu reçois Jésus, tu passes à la deuxième fête. C'est une vie d'abstention, une vie de sanctification, une vie dans laquelle tu dois mettre les péchés à côté de toi. Parce que la Bible dit ceci, tous qui appellent le nom de Jésus, ils doivent abandonner les péchés. Aujourd'hui, le péché est devenu comme une monnaie courante. Une chose dans laquelle personne croit que c'est normal. Or, quand tu reçois Jésus, tu deviens une nouvelle pâte. Le levain qui est la vie du péché doit être mis loin de ta vie. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Donc c'est une obligation. Nous devons marcher dans la vie de la crainte de Dieu. Le péché ne doit pas être notre ami. Le péché appartient au passé. Mais aujourd'hui, plusieurs entrent dans l'église, mais ils ne craignent plus le péché dans leur vie. Ne sachant pas que le péché bloque ta relation avec Dieu. Le péché empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont prié pour leur vie. Mais il n'y a pas de solution parce qu'ils vivent dans une vie de péché. Or, la Bible dit, nous devons ôter nos péchés, le levain. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous devons éviter à vivre selon le monde. Écoutez, même si le monde change, même si la technologie avance, mais la parole de Dieu reste la même. Amen. Amina. Alléluia. Amen. La troisième fête, c'était la fête de quoi? C'est la fête des prémices. Les prémices, c'est le premier fruit. Or, la Bible dit ceci. Notre Seigneur Jésus, il est notre prémice. Donc cela veut dire la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça même le premier fruit. C'est une garantie pour tout un chrétien pour lui dire ceci. Même s'il mourra aujourd'hui, à l'enlèvement, il sera ressuscité. Parce que Christ est ressuscité, il est notre prémisse. Il est un modèle. Il nous garantit que nous serons ressuscités aussi. Et la Bible dit, quand la trompette va sonner, ce sont ceux qui sont morts qui ressusciteront le premier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La quatrième fête, c'est la fête de Pentecôte. Maintenant, selon le calendrier prophétique, nous sommes maintenant à la quatrième fête. La Pâque. Les pains sans levain, les prémices, tout se passait. Mais nous sommes prophétiquement parlant. Nous sommes à la quatrième fête, qui est la fête de Pentecôte. Le temps de l'église, le temps de la grâce. Mais après la fête de Pentecôte, il y a trois fêtes qui se suivent encore. Trois fêtes attachées. La fête qui va suivre, c'est quelle fête? C'est la fête des trompettes. Or, la Bible dit, par le son de l'archange, donc nous nous approchons à la fin du temps. Donc, après cette fête de la Pentecôte, je vais expliquer là devant. Il y a la fête qui suit, c'est l'enlèvement de l'église. Le temps de la grâce va prendre fin. Même les signes de la venue de Jésus sont visibles, sont palpables. Même celui qui est ignorant, même celui qui est bourrique, vous allez dire que les gens disent ceci. Ah! Ça, c'est la fin du monde. Hein? En voyant seulement ce qui se passe, les gens disent, même les païens connaissent que nous sommes au temps de la fin. La trompette va sonner. C'est pourquoi c'est une fête qui, la Pentecôte, c'est un temps de la préparation. C'est le temps que l'Esprit de Dieu est en train de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi venir à l'église, c'est l'une des très bonnes choses, parce que les enseignements te préparent et te sanctifient pour rencontrer l'époux. Même 1 Thessaloniciens 4:16 confirme au son de la trompette, l'église sera enlevée. Après l'enlèvement, vient la fête d'expiation. Le grand sujet dans la fête d'expiation, parce que quand l'église va aller au ciel, l'église ne passera pas au temps de la grande tribulation. Même ces gens disent que l'Antichrist attendait de mettre sa marque sur les gens. Non. La marque de l'Antichrist sera applicable après l'enlèvement de l'église. Même la Bible dit ceci, l'Antichrist travaille en secret. Il n'a pas la force de se révéler parce que celui qui l'empêche est encore là. Donc le Saint-Esprit empêche à l'Antichrist d'opérer dans la visibilité. C'est pourquoi je peux aller un peu très loin. Parce que si vous allez au commencement, la Bible dit, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Or que l'Antichrist va sortir dans les eaux. Les eaux, c'est les nations. Donc le Saint-Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, il était en train de contrôler le mouvement de l'Antichrist. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Antichrist n'a pas la force. Mais quand l'église sera enlevée, c'est lui qui empêche, c'est la présence de l'église. L'église est une puissance. Même tous ceux qui font les péchés critiquent l'église. Parce qu'aujourd'hui, tout celui qui filme du chanvre, il critique l'église. Il critique les pasteurs. Et même les chrétiens entrent dans la danse de critiquer les pasteurs et l'église. Mais on s'empêche de critiquer l'église musulmane. Moi, je suis dans un pays où il y a les musulmans. Ose seulement de prêcher quelque chose qui touche à leur atteinte. Soit tu es mort, soit ton église va être détruite. Et quand on prêche, on a des limites. Hein? Mais tous ceux qui filment des chambres parlent de l'église. Même la paix qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que l'église est là. Le Saint-Esprit n'allait pas être ici si l'église n'était pas là. En ce temps-là, le temps d'expiation, ça sera la réconciliation d'Israël. C'est par là que Israël va reconnaître leur Messie. Quand ils vont passer dans la tribulation, nous, on sera avec l'époux au ciel. Alléluia. Là, je vois Léa dans la maison avec Jacob. Parce que la femme qui avait été choisie, c'était Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans. pour avoir Rachel. Mais à la fin du travail, il se retrouve avec Léa. Jésus est venu pour la maison d'Israël. Une femme qui n'a pas été aimée. Une femme aux yeux délicats. C'est elle qui va se retrouver dans la maison. On pose la question, Jacob dit, pourquoi vous m'avez donné celle-ci? On lui dit ceci, prends d'abord celle-ci. L'autre est là, tu l'auras à la fin de la semaine. Donc ça fait 7 jours, Rachel était à l'extérieur. Mais 7 jours, Léa était dans les bras de Jacob. Oh, les 7 jours, ce sont le temps de la, les 7 années du temps de la tribulation. Oh, nous les nations, nous avons la grâce. Mais Israël sera réconcilié. En étant réconcilié avec Jésus, l'église va maintenant descendre pour entrer dans la fête de tabernacle. Pour accomplir que Jésus est Emmanuel. Dieu au milieu de son peuple. Ce sont les, c'est ça même la, le calendrier prophétique. Nous sommes à la 4e fête. Il reste 3 fêtes. Et la fête la plus dangereuse, c'est ce qui va sonner d'ici là. Nous devons être préparés. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Maintenant, Pentecôte veut dire quoi? Pentecôte, Pentecôte veut dire 50e jour. Donc la fête de Pentecôte devait être célébrée après 7 sabbats. Quand nous disons 7 sabbats, 7 fois 7, ça fait 49. Dans le jour suivant, c'est le 50e jour. C'est pourquoi le 8, ça sera le 50e jour dans lequel on va célébrer la Pâque. Et maintenant, la Pâque, la Pentecôte, c'est une fête pour Israël. Suivez très bien. Pour Israël, c'était la fête de la moisson. Donc, pendant le jour de la Pentecôte, c'était la fin d'une moisson et le début d'une moisson. Donc, c'était la fin de la moisson d'orge et le commencement de la moisson de blé. Oh, j'arrive à comprendre. Pour nous, la Pentecôte, c'est la fin de la loi et le début de la grâce. Parce que Jésus dit ceci. Il y a quelqu'un qui a cultivé un champ. Un champ de blé. Mais dans le champ de blé, il y avait des livrets. Donc le champ de blé, c'est l'église. Dans l'église, nous sommes des blés. Mais dans cette même église ici, il y a des personnes qui sont des livrets. Des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Des gens qui ne sont pas destinés à aller au ciel. Mais Jésus dit ceci, laissez-leur. C'est à la fin qu'on va séparer l'ivraie et le blé. Que tu ne sois pas dans, la groupe, dans le groupe des livrés, soit dans le groupe des blés. C'était le jour de la moisson. Et pour les Israélites, ils célébraient la venue du Torah, la loi de Moïse. Mais pour nous, c'est la grâce. Parce que l'église est née à la croix. Parce qu'il n'y a pas de naissance là où il n'y a pas le sang et l'eau. Mais l'inauguration de ce qui est né à la croix, c'était le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que l'Esprit de Dieu est descendu sur la terre. Parce qu'au début, l'Esprit de Dieu venait seulement sur 3 bureaux. Il venait sur les rois, les sacrificateurs, ainsi que les prophètes. Et spécialement pour des missions spéciales. Il venait utiliser les gens et il rentrait au ciel. Mais nous, nous célébrons la Pentecôte parce que Joël 2:28 a été accompli. Le Saint-Esprit ne vient plus sur nous, mais il est avec nous. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Et même ceux qui avaient prophétisé, ils avaient besoin de vivre ce moment. Mais Dieu les a cachés. Mais Dieu les a privés. Maintenant, aujourd'hui, c'est moi et toi. Écoutez, nous devons retourner dans la véritable Pentecôte. Nous devons comprendre l'utilité du Saint-Esprit. Nous devons comprendre ça, l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes que des hommes ordinaires. Nous ne sommes que des hommes qui ne peuvent rien faire. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire des exploits. Oui, je sens l'onction. Je sens quelque chose. Si tu es connecté, tu vas commencer à sentir quelque chose. Mais aujourd'hui, la Pentecôte, elle est devenue une vie normale pour les chrétiens. Écoutez, ta disponibilité peut permettre au Saint-Esprit de toucher à ta vie et de faire de toi une personne extraordinaire. Je tente de lire l'histoire de l'église aujourd'hui. J'ai vu des hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Les réveils d'Azusa. Le réveil qui s'est passé aux États-Unis, en Argentine. Ce sont des gens comme nous qui mangent comme nous, mais ils ont compris la Pentecôte. Ils se sont enfermés dans la chambre. Ils ont cherché la face de Dieu et l'Esprit les a saisis. Et j'arrive à comprendre. S'il y a quelqu'un qui ouvre son cœur pendant ces 10 jours, avant que ça arrive au fin, à la fin, il ne rentrera pas tel qu'il est venu. Parce que je sens l'Esprit de Dieu est dans cette église. Le manteau est là. Si tu te disponibilises, oui, je sens il est là. Oui, je sens cette onction. Alléluia. Je sens une révolte. Je sens une révolte. Comment passerons-nous sur une terre sans laisser de traces? Ces gens qui ont été utilisés, ils sont des hommes comme nous. Mais ils ont pris la décision de dire non. Trop, c'est trop. Que Dieu fasse quelque chose. Il y a des gens qui priaient, qui disent ceci à Dieu. Si tu ne m'utilises pas, vaut mieux me tuer. Hey! Ça, c'est quelle prière? Nous sommes là en train de prier seulement pour le Bukhari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi une histoire le matin quand je lisais. Il y a un professeur qui enseignait à l'université. Il défiait, il disait que votre Dieu, your God is foolish. Votre Dieu, c'est un imbécile, un juridien. Qui peut me défier ici? Un garçon en avait marre. Il a décidé de prier pendant 3 mois. Il a prié. Un jour, le professeur dit, vous les bêtes, vous les fous qui sont ici. Et même votre Dieu, c'est un imbécile. Si quelqu'un ici croit que son Dieu est là, c'est un Dieu puissant. Je prends ces verres ici. Qu'il les fasse tomber par terre. Si ça ne se brise pas, là, je vais accepter que Dieu existe. Tout le monde était calme. Mais le garçon là s'est levé, il dit, donne-moi ça. Il a levé le verre, il a laissé ça tourner, ça arrivait à la fin. Pah, ça se tombe par terre. Sans cassure. Le professeur a commencé un sataniste. Ils étaient 300 dans l'auditoire. Les garçons ont pris le microphone, il a commencé à prêcher. Tous les étudiants ont donné leur vie au Seigneur. Et depuis ce jour-là, le professeur a fui l'université. Même en étant, oh, alléluia. Alléluia. Ma fille à moi, à l'âge de 7 ans, elle prophétise. prophétisait sérieusement. Elle prophétisait même à l'école. J'ai dit à Dieu, non. Ça, ce n'est pas bien. Cet enfant, on va la tuer parce qu'elle n'a pas de sagesse. J'ai dit à Dieu qu'elle prophétise à 17 ans. Mais avant de fermer, elle a fait des choses. Une dame l'a tapé, elle a dit, tu tapes la servante de Dieu? Tu vas mourir. Après 2 mois, cette dame est morte. J'ai dit, Seigneur, cet enfant va me faire entrer en prison. Elle dit un jour, je chasse cette madame au travail. La madame est partie. Cet enfant a commencé à gêner à l'âge de 3 ans. Même aujourd'hui, malgré qu'on a dit à Dieu jusqu'à 17 ans, il y a des flammes qui sortent en elle. Alléluia. Je sens la puissance de Dieu. Je sens que quelqu'un sera visité ce soir. Il y a une Pentecôte véritable sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La fête de la Pentecôte, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oh, quelle est la promesse de Dieu? C'est la venue du Saint-Esprit. Je parle seulement une définition pour quelques minutes. Nous entrons dans la prière parce que nous voulons prier pour les malades. Nous voulons invoquer la puissance de Dieu. Avant de prier pour les malades, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Nous allons marcher dans la présence de Dieu. Oui, je sens la puissance de Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose. Ces 10 jours de la chambre haute. Que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit, les Grecs lui ont donné 2 grands noms. Ils l'ont appelé le pneumatique, que les Hébreux appellent le Ruach Kodesh. Mais j'aimerais parler sur le nom de le mot dynamis. Dynamis. C'est un mot qui est proche au dynamite, au dynamo. Au générateur. Donc, ces gens, écoutez, le Saint-Esprit, on n'a pas tellement de mots pour bien l'expliquer. Donc, c'est plus que tout ce que nous disons de lui. Tout ce que nous essayons de parler, c'est pour que les gens quand même puissent avoir l'idée sur l'Esprit de Dieu afin d'opérer avec lui. Il est plus que la puissance. Alléluia. Amina. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Acte des Apôtres, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit aux disciples de rentrer à Jérusalem pour attendre la Pentecôte. Mais il dit, lorsque l'Esprit viendra sur vous, vous recevrez la puissance. Mais les Grecs appellent le Saint-Esprit le dynamis. Pourquoi il l'appelle dynamis? Il le compare à la puissance. Une puissance surnaturelle qui dépasse l'entendement des humains pour agir, opérer des miracles. C'est pourquoi même dynamis, dans une autre manière, on peut appeler dynamis miracle. Donc le Saint-Esprit, c'est ça même le miracle. Donc le Saint-Esprit en toi, c'est le début de miracle. Tu ne vis pas le miracle parce que tu l'as ignoré. Mais le jour que tu comprendras que l'Esprit de Dieu, c'est ça même le miracle. C'est ça même la puissance de Dieu. C'est ça même le pouvoir divin que Dieu a mis en toi pour opérer dans une dimension extraordinaire. La puissance de Dieu, c'est une force, une énergie qui est surnaturelle, qui ne peut pas être contrôlée par la science, ni par la médecine, ni par toutes les choses que vous connaissez. Écoutez, je me pose une question. Quelqu'un arrive dans la salle de l'église. Il a des disques broyés. Et parmi les opérations qui sont difficiles, ce sont les opérations de colonne vertébrale. Mais les disques sont broyés. Comment se fait-il que dans 2 minutes, la personne est guérie? Mais si on fait entrer cette personne dans la salle, elle peut faire même 12 heures, même 15 heures d'opération. Mais l'Esprit de Dieu, sans cicatrice, la personne guérit. Alléluia. J'ai croisé une dame, c'était le mois d'avril. Nous sommes allés dans une province faire une croisade. Avant la croisade, il y a ce que nous appelons les pré-campagnes. Donc avant la croisade, nous faisons des contacts. On a parlé avec les hommes de Dieu. On a parlé avec les païens. Mais l'un des hommes de Dieu m'a appelé dans son église. C'était l'église luthérienne. Il dit que vous amenez la campagne de guérison. Mais avant que nous puissions venir à la croisade, il y a des gens qui sont malades ici. C'est une église plus de 400 et quelques personnes. Maintenant, quand on a fait appel aux malades, c'est presque la moitié de l'église. Les gens étaient malades. Quand ils sont venus devant, j'ai dit ceci: rentrez d'abord. Parce qu'il y a d'autres qui viennent, mais qui n'ont pas la foi. Alors j'ai dit, je demande 2 cas difficiles. Que ces gens-là s'approchent ici. L'Esprit de Dieu va les guérir. Une dame de 30 quelques années, une dame mariée, elle est venue, et une autre est venue. C'était 2 personnes. L'autre, il a des disques broyés. Ils sont en train de réunir des fonds pour l'amener en Inde. Ils étaient même prêts à vendre leur maison. Et quand elle arrivait, elle pleurait de douleur. Elle marchait comme ça parce qu'elle ne pouvait pas faire des mouvements brusques. Elle ne pouvait pas se plier comme ça. Elle pleurait. Quand elle arrive, elle venait de pleurer. Je pose la question, c'est quoi? J'ai des douleurs, ça fait 2 ans. Je souffre. Les médicaments n'arrivent plus à calmer les douleurs. Bien aimé, nous avons invoqué Jésus. La puissance de Dieu a touché cette dame. Nous avons prié pour elle. Et j'ai dit, Dieu t'a guéri. Et tu crois que Dieu t'a guéri? Elle a dit oui. J'ai dit, va marcher jusque là derrière. Elle a marché. J'ai dit, augmente le speed, la vitesse de ta marche. Bien aimé, quand elle est arrivée à la fin, au retour, elle a commencé à courir. Moi-même, je m'étonnais, c'est quoi? Elle arrive là où j'étais, elle tombe et commence à pleurer. Moi, j'ai dit à la dame, c'est quoi? Moi, dans mon cœur, je croyais que les douleurs ont augmenté. Elle dit, je n'arrive pas à comprendre. Ça fait 2 ans que je ne pouvais pas faire. Elle a plié. Elle s'est courbée la tête jusque là. Après une semaine, j'ai croisé cette dame. Et il m'a dit, papa, ce jour-là, je n'étais pas seulement guéri du dos, mais même mon estomac a été guéri. La puissance de Dieu a guéri cette dame dans 2 minutes. La seconde dame avait l'abcès à l'intérieur de la gorge. Imaginez-vous cette opération. Elle ne pouvait plus manger. Il fallait malaxer des choses, des jus, pour boire. Et j'ai dit à cette dame, est-ce que tu crois qu'il y a la puissance de Dieu qui peut guérir cette maladie? Elle dit, c'est pourquoi je suis venu ici devant. guéri dépend de ta foi. Le prédicateur peut être puissant. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas le miracle. J'ai dit aux gens, allez m'acheter des beignets. Ils ont acheté un gâteau. Nous avons prié pour elle. Nous avons dit, mange. Elle a mangé le premier gâteau. Elle a mangé le second gâteau. Elle a même pris de l'eau. Et dit, Michichi, qui était Nakito. Et puis, je ne sens plus rien. La puissance de Dieu peut nettoyer le sang qui a des virus. La puissance de Dieu peut créer de nouveaux reins. Caramage. Écoutez, je ne te parle pas dans la théorie. Je te parle de ce que j'ai vu avec le Seigneur. Il y a un vendredi, on était au culte. On finit de prier. On amène un monsieur, on le fait sortir de sa voiture. On le transportait, il ne pouvait pas marcher. Quand on l'a amené, on dit il a le problème des reins. Nous n'avons plus l'argent d'aller nettoyer. Ça fait au moins 4 semaines. Nous ne l'avons pas amené à l'hôpital. Bien aimé, je priais pour cet homme. Après avoir prié, il n'a pas marché. Écoutez, je vais vous dire ceci. On peut prier pour toi aujourd'hui, mais la guérison se manifeste après 3 jours. Même quand on a prié pour Ézéchias, c'est après le 3e jour qu'il s'est relevé pour aller au temple. Quand ils l'ont amené, c'était le vendredi. Le samedi matin, ils l'ont oublié dans la chambre. Mais quand ils sont sortis pour aller les regarder dans la chambre, c'était à 10 heures passées. Ils n'ont pas vu la personne. Ils ont commencé à crier. Bon, on a enlevé la personne parce qu'il ne pouvait pas marcher. Ils ont commencé à crier. Où est-ce qu'il est? On a enlevé. Les gens ont commencé à chercher. Ils ont commencé à chercher. Quand quelqu'un tournait derrière, on l'a trouvé en train de brosser les dents. En ce moment que je vous parle, il continue à faire des chants. C'est un cultivateur. Écoutez, quand nous sommes dans l'église, quand nous sommes pentecôtistes, nous devons croire au miracle. Nous devons avoir l'esprit des miracles en toi. Écoutez, Dieu te donne ce que tu as. Dieu te donne ce que tu veux. Si tu n'as pas l'envie des miracles, ignore les miracles dans ta vie. La puissance de Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Lisons la parole de Dieu. Je suis presque à la fin pour confirmer. De Pierre, chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce verset bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Le mariage. No. Le travail. Kaz. La santé. Hatafi. Les voitures. Magari. Les maisons. Manyumba. La puissance de Dieu va te les donner pour contribuer à la piété. Alléluia. Il y a des choses, si tu en manques, tu peux même pécher devant Dieu. Donc la puissance de Dieu te donne toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de celui qui t'a appelé, cette puissance ne fera absolument rien. Parce que la Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils agissent avec fermeté. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est de la manière que tu connais Dieu. Laisse-moi te dire, l'homme continue à faire seulement ce qu'il connaît. Ce qu'il ne connaît pas, il ne le fera pas. Écoutez, Moïse avait les bâtons chaque jour. Mais il ne savait pas que ces bâtons pouvaient faire sa gloire. Mais ce jour-là qu'on lui a dit, jette par terre. Et quand il a vu, écoutez, tu as besoin de l'information et de la formation. Même tu peux être puissant, mais si tu n'es pas informé, Dieu a informé Moïse et il l'a formé. Il lui a dit, jette par terre. Quand il a jeté, c'est par là qu'il a dit, ce bâton peut faire ça. Et Dieu le forme. Tiens-le à la queue. Ton information, c'est la parole de Dieu. Donc la puissance de Dieu peut te donner tout ce qui contribue à ta vie et à la piété par la connaissance de celui qui t'a sauvé, celui qui t'a appelé. Vous savez, moi j'aime les enfants. Un enfant peut te dire, oui, papa t'a coupé, papa va te taper. Mais il peut même dire à John Cena, papa t'a coupé. John Cena, papa va te taper. Même le papa lui dit, tu vas t'affirmer, mais non, vive. La baba t'a sema, cet enfant cherche. Cet enfant veut me faire tuer. L'enfant est sûr que son père est capable. Si un chrétien croit que Dieu est capable, la puissance de Dieu va couler. Ephésiens 3:20 nous dit quoi? Ephésiens 3:20 nous dit ceci. Oh, Jesus. La Bible nous dit, oh, celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. Écoute, Dieu peut agir. Cela veut dire que Dieu répond même les pensées de l'homme. Cela veut dire que Dieu peut aller au-delà de ce que tu as demandé. Il peut aller au-delà de ce que tu penses. Mais pour que Dieu puisse aller au-delà, il faut qu'il y ait une puissance qui agit en toi, qui va le permettre. Donc la puissance, c'est un pont entre Dieu et toi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a oint de l'Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Il lui a donné la puissance. Partout il passait, il faisait de bien. Tu peux aussi le faire, mais tu as besoin de la puissance. Et la puissance ne vient que de la chambre haute. Et cette chambre haute ne doit pas se terminer seulement le 8. On t'a préparé pour aller créer ta propre chambre haute. Aller dire à Dieu, trop c'est trop. Ouais-moi de ta puissance. Marie dit à l'ange, je ne connais pas d'homme. Je ne suis pas encore marié. Comment est-ce que l'enfant, comment est-ce que je peux enfanter? C'était une équation à plusieurs inconnus. Mais l'ange lui dit ceci, ne t'en fais pas. L'Esprit de l'Éternel va te couvrir de sa puissance. Donc la puissance de Dieu peut créer des choses qui n'existent pas. La puissance de Dieu peut rendre possible ce qui est impossible. La puissance de Dieu peut créer de nouveaux reins. La puissance de Dieu peut changer le cœur de l'homme. La puissance de Dieu peut ouvrir les yeux d'un aveugle. La puissance de Dieu peut purifier le sang. La puissance de Dieu peut purifier les infections chroniques. Il peut les balayer en un clin d'œil. La puissance de Dieu peut créer des choses que les médecins vont se poser des questions. On enlève la matrice. On voit une femme avec une grossesse. Ça dépasse la médecine. On a dit à Marie, l'Esprit de Dieu va te couvrir de sa puissance. Et cette puissance va mettre l'enfant Jésus. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Par la puissance de Dieu, il y a de nouvelles choses qui peuvent se créer. La Pentecôte, c'est la puissance. Jésus dit ceci. Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, cela veut dire le royaume est venu vers vous. Corinthiens me dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc la puissance de Dieu, c'est la présence du royaume. Oh, la présence du royaume, c'est ça même le Dieu de l'impossibilité qui agit au milieu des gens. J'ai vu des gens, les dents poussées à 40 ans, par la puissance de Dieu, les nouveaux dents poussent. J'ai vu des gens pourris. Oh, Ramashakataribas. Ma petite sœur à moi, elle était malade. Elle est arrivée à un niveau. Elle commençait même à être pourrie. Mais la puissance de Dieu l'a restaurée. Elle devient la plus belle de la famille. Maraba, Shakatabas. Keramashakiramaskatas. Qu'église. Marie avait des questions. Tu as des questions. Pita Fanny Kaché. Ni homme ou chambre haute. Kama ina leo, ni kesho. Na kama ina kesho, ni jeudi, ni vendredi. Na kama ina vendredi, ni samedi. Puissance ya Mungu. Ita gusa maisha yako. Ça va créer. La Bible dit, Dieu créa le ciel par sa divine puissance. La puissance de Dieu peut créer les choses. Écoutez, ne te limite pas seulement en parler en langue. Parce que toi, quand tu trembles, quand tu comptes, tu crois que c'est la fin. Non, c'est le début des choses. C'est un signe. Parce que chaque chose a toujours des signes. La malaria a des signes. Les sida a des signes. Les démons ont des signes. Même l'Esprit de Dieu a des signes. Quand il entre en toi, il va te faire parler en langue. Ce n'est pas la fin, c'est le début des choses. C'est le début des choses. C'est le début de miracles. C'est le début de la puissance. Écoutez, utilise cette puissance. Dirige cette puissance. Écoutez, je vous ai dit hier, quand la snelle arrive, il te met le courant. Ils partent. Ils ont déjà amené l'électricité. À toi de prendre cette électricité, d'utiliser le réfrigérateur, de jouer à la musique, de mettre le ventilateur. Écoutez, quand tu trembles, tu parles en langue, cela veut dire il est déjà là. Oh, écoutez, tu dois parler la puissance à ton problème. Tu dois proclamer la puissance à ton problème. Tu dis, je proclame la puissance du Saint-Esprit à cette maladie. Je proclame la puissance de Dieu au chômage. Écoutez, devant la puissance de Dieu, aucune chose ne peut résister. Devant la puissance de Dieu, aucun sorcier ne peut résister. La Bible dit, je vous ai donné la puissance au-dessus de votre ennemi pour l'écraser par la puissance. Prie la puissance. Parle la puissance. Ne parle pas ton échec. Ne parle pas ta maladie. Ce que tu parles, c'est ce que tu deviens. Ça, c'est ma maladie. Ça, c'est ma maladie. Toi, tu es venu avec une maladie. C'est la maladie du diable. Parle la puissance à cette maladie. Dites à toi, maladie, je parle la puissance. Je proclame la puissance. Oh, ce soir, nous allons parler puissance. Nous allons prier puissance. Nous allons proclamer puissance. Psaume 145, verset 11. Nous allons parler puissance. Psaume 145. Ils diront la gloire de ton règne. Et ils proclament ta puissance. Le sixième verset, toujours le psaume, ils diront la gloire. Écoutez, il n'y a pas la gloire sans la manifestation de la puissance. Et pour dire la gloire, il faut qu'il y ait d'abord la puissance. Quand la puissance descend, c'est la gloire de Dieu qui arrive. Le sixième verset, toujours là-bas. Dites à ton voisin, proclame la puissance. Parle la puissance. Dites-lui, même si c'est difficile, parle la puissance. Alléluia. On dit, on parlera de la puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. On ne peut pas raconter la grandeur là où il n'y a pas la puissance. C'est la puissance qui démontre que Dieu est grand. C'est la puissance qui décrit la grandeur de Dieu. Parce qu'avec la puissance, un chemin peut s'ouvrir dans la mer. Tu passes dans le sec. Et c'est par là que tu vas proclamer. Myriam n'a pas chanté Dieu avant la manifestation de la puissance. Parce que la Bible déclare, Dieu les a libérés par sa grande puissance. Écoutez, ce soir, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester et tu vas proclamer la puissance. Dites à ton estomac qui fait mal, toi estomac, je te proclame la puissance de Dieu. Parle bien-aimé, parle bien-aimé, dites toi estomac, je proclame la puissance sur toi. Tu as longtemps demeuré à moi. Je proclame la puissance sur toi. Écoute la puissance de Dieu. Obéis à la puissance de Dieu. Oui, ce soir, le Dieu de Papa Désiré va faire quelque chose. Je le sens ce soir. Je sens cette puissance. Le dynamis. Une onction qui est au-dessus de tout limite. La puissance et le pouvoir. Devant le pouvoir, tout le monde obéit. Même ta maladie ce soir va obéir à la puissance. Même ton chômage là va obéir à la puissance. Même ton célibat là va obéir à la puissance. Même ta tension là, ta diabète là, elle doit obéir à la puissance de Dieu. Même les combats de ta famille vont obéir à la puissance de Dieu. Par la puissance, tu vas les déchirer. Tu vas les mettre en morceaux. Tu vas les déchirer. Ta maladie là sera déchirée. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Oh Jesus. Jesus. Élève ta main. Oh, dit à Jésus. Merci pour ce soir. J'aimerais vivre ma Pentecôte ce soir. Yes, I can feel fire. Nasikia kuna moto. Je sens qu'il y a le feu. Écoutez, il y a des gens que Dieu veut élever maintenant ce matin. Ce soir, il veut vous élever spirituellement. Et c'est la spiritualité qui ouvre les portes de la vie charnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la soif ce soir? Donne-nous une chanson qui parle du Saint-Esprit. Tu fermes les yeux, tu chantes. Et si tu sens prier, entre dans la prière. Holy. Chante à haute voix. Holy. Déjà un vent qui commence à passer. Mon bien Saint-Esprit, unijaze upako, Rabba. Saint-Esprit veut te remplir de sa puissance. De ta puissance. Sois versé à moi ce soir. De Jésus, je suis comme un enfant. Je viens comme un enfant devant toi. Pas comme un serviteur, mais comme un enfant. Sans ta puissance, je ne peux rien faire. Montez, montez, montez, montez. Criez vers lui. Criez comme un enfant. Criez comme un enfant. Continue à prier. Montez dans la prière. Tu es sur le point de toucher la puissance de Dieu. Ravage. Tu es sur le point de toucher à la puissance de Dieu. Parce que je vois la lumière de mon côté droit ici. Il y a une forte lumière qui entre dans la salle. Ravage. C'est comme un soleil qui commence à briller au milieu de la nuit. Ravage. Yes, augmenter l'intensité de ta prière. L'intensité de ta prière. L'intensité de la prière. L'intensité de la prière. Prends tes deux mains, mettez-les sur ta tête. Ouvre ton cœur. L'Esprit de Dieu est en train de verser une forte onction sur ta vie. Karamash. Oui. Dieu. Charas. Il commence déjà. Mettez tes deux mains sous ta tête. Oui, il commence déjà. Soyez disponible. Oui, soyez disponible, ma soeur. Les mains là que tu as mis sur ta tête ne sont plus tes mains. C'est l'Esprit lui-même qui te touche ce soir. Continue à prier. Mon bien, je ne crois pas. Saint-Esprit. Choucha ou pas, puissance yako. Il chouque. Il a dépassé niveau. Il y a ma problème, il est Nikonayo, Maraba. Écoutez, la puissance de Dieu, c'est la solution à tous tes problèmes ce soir. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. N'enlève pas tes mains sur la tête. Laisse-les sur ta tête. Continue à prier seulement. Il y a l'onction. Il y a la puissance de Dieu. Yaraba shikata rikata rabash. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez encore. Montez encore. Montez encore. Que ton voisin ne puisse pas avaler ta voix. Ose ta voix. Crie au Seigneur ce soir. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Verse-moi une onction supérieure, une onction au double, une onction qui dépasse les combats de ma famille. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de puissance, maraba. Continue à prier. Mangez encore. Mangez encore. Mangez une fois encore. Kakakaka, rimage. N'empêchez pas l'esprit d'agir. Laissez-lui te toucher. Si tu sens le parler en langue, n'empêche pas. Montez. Montez encore. Il y a des autres qui vont se sentir comme s'ils ne sont pas dans cette salle. Ils vont sentir une présence extraordinaire. Kaka, kaka, kaka. Montez. Quand je dis monte, ose ta voix. La Bible dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce que je te dis. Ravage. Ongeza tena sauti yako. Je sais pourquoi je te dis ça. Quand tu oses ta voix, la distraction disparaît. Et c'est là que l'esprit te touche. Arrache. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, montez plus, montrez très haut, montrez très haut, montez encore très haut, Gérage, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Hey Rabash! Hey Rabash! Papa, papa, papa, papa. Oui, il y a quelque chose qui se passe. La puissance est déjà en toi, là où tu es. Oui, elle est là, la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ne supporteront pas cette onction. Allez, tes deux mains, lève seulement ta main droite en haut. Ferme les yeux et reste calme une minute. Commence seulement à prier dans le cœur. Oui, il y a quelque chose qui va exploser dans la vie de quelqu'un. Au moment où tu es en train de prier dans le cœur, je sens qu'il y a l'explosion de la puissance. Il y a l'onction de l'explosion de la puissance. Dans la vie d'un frère, dans la vie d'un papa, dans la vie d'une soeur, il y a l'onction qui va exploser. Marabas. Continue encore. Continue encore. Et si tu sens le parler en langue, n'empêche pas. N'empêche pas. Continue à parler où tu vois. En ce moment que je parle, il y a une onction au double qui commence à descendre sur la vie de quelqu'un. Il va exploser, Rabas. Reçois. Reçois cette onction. Ça ne sera, sera pas une seule personne. Ils seront plusieurs. Reçois cette grâce. Esprit de puissance. Esprit de miracle. Esprit de restauration. Esprit d'élévation. Passe dynamis. Alléluia. Passe. Passe. J'ai dit là où tu es, reçois les doubles onctions. J'ai dit là où tu es, reçois les doubles onctions. Que ça commence à tes pieds jusqu'à la tête. Que cette onction puisse rencontrer les démons, puisse rencontrer la sorcellerie, puisse rencontrer ton problème. Reçois, ravage. Oui, ça commence à rencontrer ton problème. Ça commence à rencontrer ton problème. Oui, ça commence à rencontrer. Ça commence à rencontrer. Ça commence à rencontrer. Oui, there is power. Oui, there is power. Ravage. Oui, ça commence à rencontrer. La puissance commence à rencontrer tes difficultés. Commence à rencontrer les démons de ta famille. Commence à rencontrer la puissance de la sorcellerie. Take it. Take it, ravage. Oui, je proclame puissance. Oui, je proclame puissance. Je proclame puissance sur la vie des gens. Les gens qui étaient liés, les gens qui étaient ensorcelés, je proclame puissance. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Take it, ravage. Oui, il y a une manifestation. Il y a une manifestation. Oui, ça rencontre les maris de nuit qui t'a tourmenté pendant des années. Ça rencontre la vie du péché qui t'a tourmenté. Take it, ravage. Take it. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Take it. Take it. Take it. Ramashakatabas. Receive. Receive. Receive. Take it. Take it. Reçois. Cette onction qui transforme. Receive now. Take it. Karamash. Power. Power. Power. Power. Power. Je passe. I speak power. I speak power. I speak power. I speak power. Toute puissance démoniaque rencontre la puissance de Dieu dans ta vie. Que ta destinée explose. Reçois. Take it. Take it. Take it. Reçois cette onction. Reçois cette onction. L'onction qui transforme. Take it. Take it. Take it, rabage. Saint-Esprit. Esprit de puissance. Touch. Touch. Rabage. Karamaske Cherinta. Ripa pa pa pa pa pa pa pa, reçois. Pokea. Terrasse. Terrasse. Toi, esprit qui a bloqué la vie de ce frère, touch. Receive power. À partir d'aujourd'hui, que la puissance entre dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps, soit restaurée. Nom de Jésus. Charas. Charas. Charas. Reçois une onction. Il y a une onction très forte qui va descendre sur la sœur. Une onction qui transforme sa vie. Take it. Une onction. Take it. Take it. Touch. Touch. Touch. Reçois une onction. Reçois. Libère sa vie. Que la puissance de Dieu rencontre, puisse te rencontrer. Puisse te rencontrer. Come out. Come out. Out. Reçois une nouvelle onction. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Que l'onction descende. Reçois. Je libère une onction au double. Sois une femme puissante. Sois restauré. Reçois. Reçois. Taramash. Reçois. Power. Touch. Power. Reçois. Je proclame la puissance. Sur ta vie, sur ta vie. Take it, take it. Receive. Seulement alléluia. Une fois encore. Alléluia. Nous sommes à la fin. Une fois encore. Alléluia. Continue encore. Alléluia. Ouvre ton cœur. Sois connecté. Alléluia. Alléluia. Au moment où tu dis alléluia, cherche à voir une lumière qui entre dans l'église. Marabash. Dites encore alléluia. Et je dis que tout le monde soit debout. Que tu sois malade ou pas, sois debout. C'est l'image de la foi. Parce que je vois une lumière entrer dans l'église. Lève seulement ta main, seulement, dites encore alléluia. Une fois encore. Continue encore dans la foi. Dites encore alléluia. Dites encore alléluia. Il y a une lumière qui entre, alléluia. Il y a une délivrance qui entre, alléluia. Il y a une restauration qui entre, alléluia. Caramash. Je vois encore cette lumière. Dites encore alléluia. Il y a une délivrance qui entre, alléluia. Il y a une forte onction qui descend sur toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Reçois. Et si tu es malade, tu cours rapidement ici devant. Mais je vais demander à l'église, pardon, ne sortez pas. Il y a quelque part que nous venons déclarer sur votre vie. Mais si tu es malade, fuyez ici devant rapidement. Et les autres vont s'asseoir. Maintenant, vous qui allez maintenant s'asseoir, dites à Jésus, je proclame ta puissance sur mon problème, sur mon célibat, sur mon chômage. Commence à prier. Et on est en train de nous chanter petit à petit. La même chanson là. Même si vous allez répéter 15 fois, il n'y a pas de problème. Cheras. Yeshua. Lève tes deux mains. Écoutez. Toi qui es ici devant. Crois à la puissance de Dieu. Crois à la guérison. Maman. Mama. Tu souffres de quoi? Match. Attention. Le match. Attention, c'est que match on a plus. Dieu va te guérir ce soir. On a mini. Dieu commence déjà à te guérir. Avant même qu'on puisse te toucher, je vois la guérison sur ta vie. Ta souffrance est en train de partir. Jesus. Toi, esprit de tension, libère ce corps. Come out! Libère vite. Libérez, libérez vite. Come out! Toka! Achia Mathieu avec esprit attention. J'ai dit, tu libères ce corps. Vite! Come out! Esprit de maladie. Esprit de l'hypertension, de l'hypotension. Tu as manqué l'adresse. Elle est le temple du Saint-Esprit. Elle n'est pas le temple de la maladie. J'ai dit, tu quittes ce corps. Tu quittes vite. Tu quittes vite. Toi, esprit impur, libère ce corps. Marabas. Commence à libérer vite. Libérez vite. Libère son cœur. Libère son cœur. Touch. Que ton cœur à partir y a l'air. Il faut quand même toto à 16 ans. Je vois un enfant de 16 ans. Macho et aku ipone. Que tes yeux puissent recevoir la guérison, que tu vois mieux. Tout esprit qui a saisi les yeux, tu sors. Touch, come out! Tu libères, vite! Je chasse cet esprit de maladie. Je chasse cet esprit de maladie. Merci, Saint-Esprit. Yeshua. Yahweh, Rapha, présent, Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shama Jireh. petit flot. Hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, si azali lise kwa ase kwisi yo so yanga so kingala so pema lo kubwe so ke la kolo kufeti ki esika abwana pate na zabe so kinga la sope ma lo kubwe so ke la kolo asia salili sekwa ase kwisi yo so ya vina ngai Soaking guy, Pasi azali, lise kwa, ase kwisi yo so yanga. Soaking lo kumwe so ke la kolo ufeti ki esika na wala pate la zambe so kingara so pema lo kumwe so ke la kolo Azalina bobo I papa Sokinga la zopema Loku mwezo ke la kolo Kufetiki esika Abona pate nanzambe Sokinga la zopema Loku mwezo ke la Kitilayo Yahweh Kitilayo Yesu Kitilayo Yahweh Kitilayo kubu Yesu Totikileyo Kitilayo Yesu Kitilayo Kitilayo Yesu Kitilayo Kitilayo Kitilayo Yesu Kitilayo Yahweh Kitilayo Yesu Kitilayo alokubu Yesu Swaba swazoli Yahweh Kitilayo Yahweh Kitilayo Soki moninga nanga akoti awae Soki Jezi nanga akoti awae Mon ami intime Mon ami fidèle Jezi On a mis intime, Jésus. On a mis intime, oh, on a mis intime. Si mon ami est intime, on a mis fidèle. On a mis intime. Fandi akiti abokonzi ayo e ya ya e ya yo fandi na gwende la yo ayo ayaye ya yo fandi na batrole la yo yawe ayaye ya yo fandi na kitia o si la yo Pikuke alola, fongwa melinga. Pikuke alola, pikuke alola, fongwa melinga. Pikuke la Yesu. Bikuke alola efumwa miawa. Bikuke alola efumwa miawa. Bikuke, bikuke, bikuke. Debout, nous allons proclamer la guérison dans tous les domaines de ta vie. Il y a une fille que j'ai prié pour elle ici, elle est tombée là-bas. Elle m'a dit qu'elle a un problème de cœur. Elle est où? Elle est demain. Viens ici rapidement. Maman, elle m'a dit qu'elle a un problème de cœur. Elle est où? Toi, tu n'as pas un problème de cœur, tu avais juste des démons. À partir à l'heure où tu es chiacaté, on a mis nous. Tu n'as pas un problème de cœur. Seigneur, merci parce qu'il m'a démon, il n'a toqué, n'a que rien que pour restaurer. Au nom de Jésus. Que rien que ça va partir à l'heure, il est ma paix pour libérer ma chair. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Il est vous juste un akimbia. N'a pas de douleur. Il est vous juste un akimbia. Il est vous juste un akimbia. Il est vous juste un akimbia. Il est vous juste un akimbia. Il est merci Saint-Esprit, nakushukuru kwa sababu elle est guérie. Hii douleur inaisha na hii au nom de Jésus. Ile bujito inakimbia na aka ka douleur kalibakia kanatoka. Mikulu yako iko sawa ya jeune fille wa 16 ans na ingine mimi naiombea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ma douleur est là. Amen. Tu es guéri. Amen. alikuwa na madhulere ya nguvu mpatrini na imeisha. Et même toi Dieu t'a guéri. Na we pia Mungu anakutunza. Weka mikono yako juu. Tu peux lever tes mains. Tumalizie. Nous allons achever. C'est ma Saint-Esprit. Saint-Esprit. Guérison yangu. Guérison yangu. Ingie mu finance yangu. Ingie mu finance yangu. Ingie mu butumishi yangu. Ingie mu butumishi yangu. Ingie mu couple yangu. Écoutez, quand je prie pour la guérison, Dieu me dit ceci. Aujourd'hui, il va guérir plusieurs domaines de vos vies. Plusieurs vont témoigner auprès du pasteur. Comment mon couple, mon le quoi, ma tatizo, en a éponyé chez ma mère. Si dans un couple, il y avait des problèmes, il a donné la guérison. Comment mon cas, mon le quoi, ma tatizo, guérison est engagée. Amen. Comment mon finance, mon le quoi, shinda, guérison est engagée. La guérison est entrée. Weka mikono yako yulu. Tu peux lever tes mains. Na wewe ambaye ulikuwa mgonjwa kukuja hapa sema je suis guéri. Tu étais souffrant, tu n'es pas venu. Sema je suis guéri. Je suis guéri. Sema je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Dis que je ne veux plus tomber comme maladie. Pour ma domaine yangu yote Jésus est Seigneur. Pour ma domaine yangu yote Jésus est Jehovah Rapha. Pour ma domaine yangu yote Jésus. C'est ma je reçois la guérison. Et même ton ministère est en train de recevoir. Tu vas opérer dans les dimensions que tu as perdues. Il y a des dimensions que tu avais perdues. Dieu les guérit aujourd'hui. Tu as fait les signes de Dieu. Dieu les remet aujourd'hui. Reçois au nom de Jésus. Tu avais des rêves et ces rêves. Tu avais ma vision et capotère. Tu avais des visions et prières et capotère. Tu avais une vie de discernement et capotère. Tu avais l'esprit de Dieu. Tu avais la puissance de guérison et capotère. Ça, c'est une routine. Lève tes mains et dis que je te reçois. Mina pokea. Ah, tu vois, mina pokea guérison. Mina pokea guérison. Mina pokea guérison. Mina pokea guérison. Niko naona nguvu ya Mungu inapita mumbavu ya mtu moya paka kumikulu yake. Sema mina pokea guérison. Mina pokea guérison. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ekuta hapa ndiko na malizia. Je suis en train de changer mon tout à manguo. Je vois une personne en train de changer. Mais à ma grande surprise, il est manguo avec un amfalisha. Le vêtement qu'on est en train de lui faire. C'est un homme. Il est manguo avec un amfalisha. Le vêtement qu'on lui fait porter. Ça devient comme les habits de militaire. Il a quoi comme animal? Mais à ma grande surprise, mais qu'on engage ma galon, mais qu'on engage ma pète, pas là pour qu'il faut aller. Oh, il y a quelqu'un qui aura la promotion dans cette église. Yes, pour confirmer promotion. Pour confirmer cette promotion. Il y a deux personnes. C'est ma, je reçois la guérison. Je reçois. C'est ma mina poké à guérison. Mina poké à guérison. Même si tu n'as pas le mariage, c'est ma mina poké à guérison mon mariage. Mina poké à guérison mon mariage. C'est ma, comment tu n'as pas d'autre, c'est ma mina poké à guérison batoto. Mina poké à guérison. Hata kama una mafere, sema mina pokea gerizo mafere. Mina pokea. Hata kama una kazi, sema na pokea gerizo mukazi. Marabash. Mina pokea gerizo mukazi. Saint-Esprit. Rom tatatif. Vu la puissance à quoi l'imfunika Marie. Vu que ta puissance a couvert Marie. A qu'à vivre l'impossible et qu'à quoi possible. Elle a vécu ce qui était impossible. Puissance à quoi funique canis ayote mzima. Il funique sous féconde yote. Il funique batumishote à sous féconde. Il funique ba mama ya sous féconde. Il funique ba papa ya sous féconde. Il funique ba jeune ya sous féconde. Ra, soit, on aurait chasse. Oui, ma signe qu'on a redit. Il y a des signes. Excusez pour le retard, c'était important. Chema ji iva geri plusieurs domaines de ta vie. Mungu ananiambia kusema taponya maina ningi ya maisha yako. Comme maman nilimombea ekona alikuwa anavala bikombe ya bleu. Il y a une maman pour qui j'ai prié. Va remercier Dieu parce que Dieu a détruit l'esprit de mort. Sifu Mungu sababu anavunja ile pepo ya kifo. Mungu anaangusha pepo ya lufu. Dieu a fait tomber cet esprit de mort. Parce que ça allait être une mort brusque en anguka. Il passe à quoi ni kifu qui agafla et tu tombes. C'est pourquoi tu sentais comme si souffle la katika. Donc, ce n'est pas la maladie du cœur ni esprit à l'ouf, il n'y a pas maïcha yako. Ugonja, mais Léo Pouana me kimbiza. Ça m'a géré, soit la guérison. Au nom de Jésus Christ. Vous remerciez mon naukale. Remercie Dieu et tu peux te rassurer. Tu peux prendre place. Avant de quitter, j'aimerais bénir 20 personnes. J'aimerais bénir 20 personnes. Dieu veut que tu fasses quelque chose. J'aimerais bénir 20 personnes. Qui vont donner à Dieu. Je sens ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui va donner à Dieu 100 dollars. Qui vienne. Normalement, les enveloppes, je vous donne, vous allez amener ça demain. Ou soit après demain, venez. Tu vas donner 100 dollars à Dieu. Tu viens demain ou après demain, tu déposes. Qui encore? Ani mwingine atakaribia. Qui encore? Père éternel, tenez cette enveloppe. La Bible dit, qui m'a donné le premier pour que je ne puisse pas lui rembourser? Psaume 23, tu dis, tu te souviens des offrandes ainsi que des holocaustes et tu donnes les désirs de leur cœur. Que Dieu te donne les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Qui encore? Nani mwingine. Qui encore? Tu donnes à Dieu 50 dollars. Non, pas tiens mon goût, 50 dollars. Écoutez, dans des choses pareilles, dans des moments pareils, il faut s'aimer. Viens rapidement récupérer cette enveloppe. Une offrande peut créer un miracle. Peut devenir une arme. Dieu te bénisse. Qui encore? J'ai besoin de 10 personnes. Caribou maman. Qui encore? Nani mwingine? Qui encore? Nani mwingine? Écoutez, Dieu veut que tu fasses quelque chose qui ouvre des portes. Même ce que tu es resté avec ça comme ton. Na ile uliweza kubaki nayo kama. Ton dernier cartouche, viens donner à Dieu. Qui encore? Nani mwingine? Tu vas donner 20 dollars à Dieu demain. On a 20 dollars, qu'est-ce qu'on a pu accompagner à Dieu? Viens récupérer. Terminons ces enveloppes. Prends même pour ton enfant. Kuya uchukue basha na uchukue juu ya mtoto wako. Terminons ces enveloppes qui sont ici. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Nani mwingine? Il reste quelques enveloppes ici. Kuna bakia mabasha kidogo hapa. Oui, enveloppe ici. Prenez pour ton enfant. Que Dieu se souvienne de tes offrandes, qu'il te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Bébé, tu peux prendre pour ton enfant. Et encore. Que l'Éternel se souvienne de tes offrandes, qu'il te fasse un miracle au nom de Jésus. Amen. Toi aussi, tu vas prendre, qu'on finisse ces enveloppes. Tu vas aussi donner 10 dollars à Dieu. Viens donner. Qu'on appelle la prête à 10 dollars, quoi, Mungu Karibia. Les prières s'accompagnent avec les offrandes. Maombi na sindikiza tena na msadaka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas donné à quelqu'un là où il y a les dollars là-bas. Vérifiez dans l'enveloppe. Que Dieu, Seigneur, soit avec vous. Bénis sa vie au nom de Jésus. Amen. Soyez concentré, bénis sa vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh.